Maduro partira, partira pas. Depuis la campagne présidentielle de 2016, Donald Trump s'est constamment montré critique, voire méprisant, envers les présidents Bush, père et fils. Pourtant, dans le cadre du Venezuela, son administration a été plus cohérente avec l'action de celles qui l'ont précédée. Le New York Times raconte que peu après l'élection de Trump, le sénateur républicain de Floride Marco Rubio et le vice-président Mike Pence ont entrepris de convaincre le président qu'il fallait travailler à un changement de régime au Venezuela. Un programme de sanctions économiques a été mis en place dès 2017, renforçant les mesures déjà décidées par l'administration Obama. Un embargo sur le pétrole vénézuélien a été ajouté pour faire bon poids. Le pays étant à l'époque en récession, son économie en a été sévèrement affectée. Plusieurs responsables de l'administration Trump ont fait du changement de régime au Venezuela un objectif assumé sur les médias sociaux. Conseiller à la sécurité nationale en 2018-2019, John Bolton a tweeté des centaines de fois sur la crise et a même enregistré des vidéos pour le peuple vénézuélien. Le secrétaire d'État et ex-patron de la CIA, Mike Pompeo, a souvent évoqué la nécessité de faire quitter le pouvoir à Nicolas Maduro et a fait naître l'espoir que le président du Parlement, Juan Guaido, était sur le point de le chasser. Ce dernier s'est rendu à Washington fin 2018 pour une série d'entretiens à haut niveau. Pour servir d'envoyé spécial au Venezuela, Mike Pompeo a recruté Elliot Abrams, alors même que la Maison-Blanche lui avait opposé son veto pour d'autres postes en raison de ses critiques à l'égard de Donald Trump pendant la campagne présidentielle de 2016. Abrams est connu pour ses opinions néoconservatrices et son rôle pendant la présidence Reagan, où il a participé au plan secret de fourniture d'armes aux Contras combattant les sandinistes au Nicaragua. Voici le portrait qu'en a dressé le magazine The Nation. En tant que membre du personnel du Conseil national de sécurité de George W. Bush, M. Abrams a encouragé, selon des rapports crédibles, un coup d'État militaire, brièvement réussi, contre le gouvernement démocratiquement élu du Venezuela en 2002, empoisonnant les relations des États-Unis avec ce gouvernement une fois qu'il est revenu au pouvoir. Il a également travaillé à la falsification des résultats des élections de 2006 dans les territoires palestiniens, une action qui a fini par renforcer les éléments les plus radicaux du Hamas et par saper, peut-être pour toujours, la possibilité d'une paix démocratique entre Israël et les Palestiniens. Mais il s'agit là de délits mineurs dans le dossier Abrams, qui ne sont rien en comparaison du rôle qu'il a joué dans l'administration Reagan. En tant que secrétaire d'État adjoint aux droits de l'homme, Abrams a cherché à faire en sorte que le général Efraín Ríos Montt, le dictateur guatémaltèque de l'époque, puisse commettre des actes de génocide. Ce sont les termes juridiquement contraignants de la Commission guatémaltèque de clarification historique, soutenue par les Nations Unies, contre les populations indigènes de la région d'Ixil, dans le département de Quiché, sans aucune interférence des organisations de défense des droits de l'homme et encore moins du gouvernement américain. Si le président Trump a accepté de faire une entorse à son principe de non-intervention et d'accueillir dans son équipe un personnage aussi controversé, c'est peut-être parce qu'il est sensible à l'enjeu que représente le pétrole vénézuélien pour les raffineries de pétrole du Texas, qui ne sont distantes du Venezuela que de 4 jours de transport maritime, contre 45 jours pour le pétrole du Moyen-Orient. Une partie de ces raffineries appartiennent aux frères Koch, deux milliardaires d'extrême droite qui ont financé la campagne de Trump. Le président Trump a autorisé des responsables américains à assister à des réunions secrètes tenues par des officiers militaires vénézuéliens qui ont conspiré pour lancer un coup d'État militaire contre le président Nicolas Maduro. Le New York Times a cité des entretiens avec 11 responsables américains, actuels et anciens, et des informations provenant d'un ancien commandant militaire vénézuélien anonyme. Les réunions ont été déclenchées par un commentaire du président Trump en août 2017, selon lequel il n'excluait pas une option militaire pour rétablir le calme au Venezuela. Ce commentaire aurait incité au moins 3 groupes d'officiers militaires vénézuéliens opposés au pouvoir du président Maduro à prendre contact avec la Maison-Blanche. Cette prise de contact a conduit à une série de réunions secrètes à l'étranger, selon le Times, dont la première a eu lieu à l'automne 2017. Les officiers rebelles auraient dit aux représentants du gouvernement américain qu'ils prévoyaient de lancer un coup d'État militaire visant à déposer le président Maduro et à installer un gouvernement de transition qui garantirait des élections pacifiques. Ils auraient demandé aux représentants de la Maison-Blanche de leur fournir des équipements de communication sécurisés qu'ils pourraient utiliser pour coordonner leurs opérations. Toutefois, selon le Times, la Maison-Blanche a finalement décidé qu'il serait trop risqué de soutenir un coup d'État militaire au Venezuela en raison du risque d'effusion de sang. Elle a donc pris ses distances par rapport à ce plan. En outre, certains responsables du gouvernement américain ont été alarmés par la composition des officiers rebelles. L'un d'entre eux, au moins, était un auteur de graves violations des droits de l'homme qui avait déjà été accusé par les États-Unis de participer à un trafic de drogue et d'avoir des liens étroits avec les forces armées révolutionnaires de Colombie, qui figurent sur la liste officielle des organisations terroristes étrangères établies par Washington. Finalement, les comploteurs auraient annulé leur projet de coup d'État, ayant estimé qu'ils se heurteraient à une résistance farouche des forces pro-Maduro. Pourtant, le président Maduro a bel et bien échappé à un attentat, le 4 août 2018, devant le complexe gouvernemental du Palacio de Justicia à Caracas. Cet après-midi-là, il prononçait un discours télévisé, quand il fut interrompu par un bruit provenant du ciel. Il s'agissait d'un drone modifié, porteur d'une bombe. Quelques instants plus tard, un autre drone a explosé après s'être écrasé sur un immeuble situé à 2 pâtés de maison de là. 7 membres de la garde nationale ont été blessés dans l'attaque. Maduro, qui s'en est sorti indemne, a imputé l'attaque à des extrémistes d'extrême droite basés en Colombie et a désigné l'ancien président colombien Juan Manuel Santos comme leur chef. Mais le gouvernement colombien a rejeté ces allégations et a demandé à voir des preuves. Tout au long du mois d'août, plusieurs personnes ont été arrêtées par les autorités vénézuéliennes et accusées de trahison. Parmi elles se trouvait Fernando Albán, un conseiller municipal de l'opposition à Caracas. Peu après, le gouvernement a déclaré qu'Alban était mort après s'être suicidé. Un tweet électrique. Plus de nourriture, plus de médicaments, maintenant plus d'électricité, bientôt plus de Maduro. Par ce tweet du 7 mars 2019, le secrétaire d'État Mike Pompeo réagissait avec une rapidité troublante aux pannes de courant qui venaient de frapper le Venezuela, avant même que les médias locaux en rendent compte. Les pannes furent récurrentes en cette année 2019. Le gouvernement les imputa à des attaques électromagnétiques. Elles affectaient la vie quotidienne des habitants, perturbant distribution d'eau, services de transport public et liaisons téléphoniques. Même les feux de signalisation étaient parfois interrompus, provoquant des embouteillages importants, de même que les terminaux de paiement, indispensables dans un pays touché par l'hyperinflation, où l'argent liquide et notamment les grosses coupures, les dernières encore utiles, se font rares, rapporte l'AFP. Le chef de l'opposition, Juan Guaido, président du Parlement, qui s'était proclamé en janvier président par intérim du Venezuela, et était reconnu comme tel par une cinquantaine de pays, dont les États-Unis et la France, attribuait ses pannes à l'incurie et la corruption au sein du gouvernement. Personne n'a pour l'instant mis en cause la CIA dans ses attaques répétées. Pourtant, il est clair que ce genre d'attaque nécessite des compétences techniques qui vont bien au-delà de celles que sont capables de mobiliser les opposants locaux.